check pour ma vie, pour ma rage et ma grosse haine. Ta chienne veut la lune, je l'emmène si on baisse sur ma comète. Y'a pas de comique, y'a pas de faux air, connard. Je ressemble à personne, trop honnête, trois, même quand je vise les dollars. Les mecs de test disent à tes mots, arrête pas le rap, t'es ouf. Mais la chaîne t'es me traîne, je deviens fou, je vois pas les sous. Me parle pas de rappeur quand je sors du studio, j'oublie tout ça. Les frères me connaissent, wesh, quand je pisse, quand je dis tous paf. Les jaloux portraits composent le 17 avec un regard. Là, je suis dangereux comme quand un bâtard feeder me recale. C'est quoi le délire? Les tapettes jouent les shows. Les shows font les choses, ferme ta gueule ou je te rends stérile. Une chienne, je lui paye même pas un McDonald's. Arrêtez tout là, faut que ça cesse, comme dit le Zen de Maradona. Ce soir, Hess sur le béton, de la tête ou de l'étoile. Mec du ghetto, et toujours dans les pailles. Des chèques ou des loaves, de la fraîche, du Zeyo. Veux le mec du ghetto. Oh oh oh oh oh. Des chiennes, des gros, des fesses, des grosses, des fesses du ghetto. C'est toujours dans les crânes. Être vrai ou être folé, jazz les collés. Rêve les cauchemars ghetto. Oh oh oh. J'suis dans le Nesby où personne parle, où les gars s'isolent. On m'a dit j'suis pas si check, j'suis pas si bête, pour ça que j'ai pas d'idole. La camisole j'l'enlève dès que j'rentre dans la cabine. Viens voir Daron si t'as au moins 2000 E dans ta valise. Ma vie est parisienne, nique vos pas l'hiver. 9-1-9-4 à ceux du hall qui restent en bas à l'hiver. Remplir le frigo reste la tâche la plus difficile. La PAC est dans le merco, je veux voir leur sang remplir ma piscine. Aucune pitié pour un salopard, nous on se débrouille. Yeah, sortez du passage quand dans mes yeux rouges y'a des billes. Yeah, j'aime quand ça fait 20 plus, 20 plus, 20 plus, 20 plus, 20 plus, 20 plus, 20 000. T'as un plan bien juteux, t'as pas les couilles, nous on est hal. J'incite personne à rien, t'en es dans la poudre, c'est pas mes failles. J'ai rien d'un sauveur et si je le suis, je me sauve d'abord moi-même. Après je sauve les billets qu'ils sont en sécurité dans mes poches, amen. Ce soir, Hess sur le béton, de la tête ou de l'étoile. Mec du ghetto, et toujours dans les pailles. Des chèques ou des loaves, de la fraîche, du Zeyo. Veux le mec du ghetto, oh oh oh oh oh. Des chiennes, des gros, des fesses, des grosses, des fesses du ghetto. C'est toujours dans les crânes. Être vrai ou être folé, jazz les collés. Rêve les cauchemars ghetto, oh oh oh. J'mets un pied devant pour voir les pédales qui restent derrière. Ceux qui suivent sont mes frères, donc baisse ta mère. J'ai un temps, viens pas t'afficher pour un feat. Le mec refuse, nique lui sa race, après roule un shit. J'suis pas 2 mètres, mais une chiffre suffit pour ses tapettes. Ceux qu'ils ont vécu, j'm'en bats les couilles, moi j'émerge de la scène. Tu fais la star, moi j'veux la thune, mais pas la race du statut. C'est pratique, j't'assure, tu veux parler au keuf, j'te fournis ma puce. J'avance jamais sans cap, tout comme j'baisse jamais sans capote. Un mec crie à qui on dit qu'il est trop cru, sera jamais à la mode. Avoir la haine, pardon, mais c'est maladif. J'viens faire mon trou, la place est petite, alors j'essaie la vaseline. Faut que les frères bougent la tête, tous une barrette en l'air. J'suis pas Johnny, j'dis allumer le shit ou bien l'herbe en clair. A des mots, sont des halls, où sont les cas? Quoi que je fasse, gros, j'serai toujours dans les pailles. Ce soir, Hess sur le béton, de la tête ou de l'étoile. Mec du ghetto, et toujours dans les pailles. Des chèques ou des loaves, de la fraîche, du Zeyo. Veux le mec du ghetto, oh oh oh oh oh. Des chiennes, des gros, des fesses, des grosses, des fesses du ghetto. C'est toujours dans les crânes. Être vrai ou être folé, jazz les collés. Rêve les cauchemars ghetto, oh oh oh.